France Musique. Et ce matin, on mélange, figurez-vous Nathalie, Broadway et Hollywood. C'est difficile aussi à articuler. Et on évoque en fait la carrière dans la comédie musicale d'une femme fatale, Lorraine Bacall. Ça rime. Rappelez-vous comment elle avait littéralement allumé Humphrey Bogart dans Le Port de l'Angoisse par un baiser endiablé. You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Me woman of the year wasn't what you'd call a fluke. I understand I won it in a breeze, so the ladies should be thrilled. Their expectations are fulfilled as I'm broadening my field of expertise. I wrote the book on how to be cool. I wrote the book on how to be strong. I wrote the book on how to interpret the news and never be wrong. I wrote the book on how to be tough. I wrote the book on how to be terse. I wrote the book on every subtextual phrase in Eliot's verse. I wrote the book on how to have class. I wrote the book on how to have clout. I wrote the book on reading government pamphlets and doping them out. So when it comes to losing a man, you'll find it unsurprisingly true. But last week, I wrote that book too. Lorraine Bacall, dans sa seconde carrière, c'est à Broadway en 1981. I wrote the book, un extrait de la comédie musicale Woman of the Year. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Ouais, c'est juste un petit stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Je dis ce que je pense. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas, mais moi je ne suis pas sur Terre pour être aimé. Telle était Lorraine Bacall. Femme de caractère, elle a incarné le glamour dans les années 40. Avec ses yeux, comme nous écrit sur Twitter FXV, avec son look, son regard par en dessous, ses tenues modernes, elle ne fut pas que Madame Humphrey Bogart. Et l'histoire d'amour avec Hollywood terminée, elle entamera une seconde carrière, Lorraine Bacall, à Broadway. Ce matin, c'est son visage, son menton affirmé, ses terribles yeux de lynx, vert pâle, en amande, que nous avons mis sur la grande affiche de la 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale. Bonjour à tous. Sweetheart, the day is waning, must go without complaining, time for Auf Wiedersehen and now. Don't let this sad disclosure ruffle your calm composure, smile at the one who knows your every whim, wait for him. Now, where's a check? Get me the waiter. I'm not gonna stay. Plant you now, dig you later. I'm on my way. My regret couldn't be greater at having a scram. Plant you now, dig you later. I'm on the lam. Bye-bye, my hip chick, solid and true. I'll keep in step, chick, till I come digging for you. So little potato, stay right where you are. Plant you now, dig you later, means au revoir, just au revoir. I know your time is money, and though you leave me sunny, we'll have a future honeymoon. I'll keep deep in my heart your call for me, call for me soon. Where's the check? Get me the waiter. I'm not Le Coffee Club Orchestra, dirigé par Rob Fisher, avec Ned Eisenberg et Vicky Lewis, interprétait un extrait de la comédie musicale de Richard Rodgers et Lawrence Hart, Pale Joey, reprise en 1995 à New York. La chanson s'intitule Plant You Now, Dig You Later. L'Opéra de San Francisco vient d'éditer en DVD la captation vidéo de sa magnifique production de Showboat, la comédie musicale de Jérôme Kern et Oscar Hammerstein. Alors c'est une production brillante avec des chanteurs à la fois lyriques et puis des voix plus typées comédie musicale, dans une mise en scène de Francesca Zambello avec le chœur, l'orchestre et les danseurs de l'Opéra de San Francisco sous la direction musicale de John Demain. Ce DVD vient de paraître chez Euroarts, et bien j'en ai 5 à vous offrir pour les remporter. Il vous suffit tout simplement de nous écrire en passant par la page de 42e rue sur francemusique.fr, et vous verrez sur la page de l'émission, tout en haut, il y a un onglet contact. Vous cliquez dessus, vous nous indiquez bien vos coordonnées complètes, y compris votre adresse, afin que nous puissions vous l'envoyer, ce DVD. Le tirage sort, c'est au bout de la 42e rue, juste un petit peu avant midi. Voici un extrait de cette production. Le numéro s'intitule Life Upon a Wicked Stage. Yeah. Et pour remporter l'un des 5 DVD de Showboat paru chez EuroArts, vous avez jusqu'à midi moins le quart pour nous écrire en passant par la page de 42e rue. C'est sur francemusique.fr. Place à la grande affiche de la semaine, Lorraine Bacall et la comédie musicale. C'est une carrière qu'elle embrasse en 1970 à Broadway, tout simplement, car elle se sentait vivante. C'est le titre d'ailleurs de cette chanson, But Alive. I feel groggy and weary and tragic, punchy and bleary and fresh out of magic, but alive, but alive, but alive. I feel twitchy and bitchy and manic, calm and collected and choking with panic, but alive, but alive, but alive. I'm a thousand different people, every single one is real. I've a million different feelings, okay, but at least I feel. And I feel rotten, you're covered with roses, younger than springtime and older than Moses. Frisky as a lamb, la, la, la. Lazy as a clown, la, la, la. Crazy, but I am alive. And I feel wicked and wacky and mellow, firm as Gibraltar and shaky as Jell-O, but alive, but alive, but alive. I feel half Tijuana, half Boston, partly Jane Fonda and partly Jane Austen, but alive, that's the thing, but alive. This kaleidoscope of feelings whirls around inside my brain. I admit I'm slightly cuckoo, but it's dull to be too sane. And I feel brilliant and brash and bombastic, limp as a puppet and simply fantastic, but alive, but alive, but alive. She's here, my dear, can you believe it? She's here, oh God, I can't believe it. She's here, it's just too groovy to believe. Live, c'est dans Applause, une comédie musicale de Charles Trues, adaptée, figurez-vous, du film de Joseph Mankiewicz, All About Eve. C'était donc Lorraine Bacall. Lorraine Bacall, son nom vous fait immédiatement apparaître devant vos yeux une grande jeune femme élégante, décidée, en noir et blanc, avec Catherine Hepburn. C'est vrai que Lorraine Bacall a forgé l'image de la femme moderne des années 40, moderne dans son comportement et moderne dans ses tenues. La première fois que Lorraine Bacall apparaît au cinéma, elle fait chavirer Humphrey Bogart et les spectateurs. C'est dans Le Port de l'Angoisse, en 1944, elle n'a que 19 ans. La voici accoudée au piano de Augie Carmichael et elle finira par chanter avec lui. C'est en 1944 que Lorraine Bacall devient une star. Comme elle le dira tout de suite, il me faudra ensuite lutter bec et ongles pour remonter ne serait-ce qu'à la moitié du pinacle du port de l'angoisse. Le metteur en scène Howard Hawks lui avait façonné un personnage sur mesure dans ce film. Je cite « Je voulais en faire une seconde Marlène Dietrich. Je voulais créer un personnage féminin aussi insolent que Humphrey Bogart, qui insulte les gens et qui les fasse rire en riant. » Je voulais en faire le parfait alter ego de Bogart. Howard Hawks, assez dur, qui dira aussi « Ce qui est drôle, c'est que Bogart est tombé amoureux du personnage que Lorraine Bacall jouait dans le film. Alors, elle a dû continuer à le jouer durant le reste de sa vie. » Comme Marlène Dietrich, Howard Hawks a fait chanter Lorraine Bacall dès ce premier film. Et il a toujours réfuté ceux qui disaient qu'elle était doublée, et pourtant elle l'était. Comme Lorraine Bacall l'a avoué finalement, oui, elle était doublée par Andy Williams, à l'époque un jeune homme de 16 ans dont la voix muait. Sa seconde chanson dans le film, Le port de l'angoisse, de toute façon s'intitule « Nous savons si peu de choses, how little do we know ?» Go ahead, go to work. You all set, Slim? Sure, but don't make it sad, Cricket. I don't feel that way. You don't look that way either. Let's go. Top note, boys. Maybe it happens this way. Maybe we really belong together, but after all, how little we know. Maybe it's just for a day. Love is as changeable as the weather, and after all, how little we know. Who knows why an April breeze never remains? Why stars in the trees hide when it rains? Love comes along. Sing you a song, will it say a farewell? Who can tell? Maybe you're meant to be mine. Maybe I'm only supposed to stay in your arms a while, as others have done. Is this what I've waited for? Am I the one? Oh, I hope in my heart that it's in spite of how little we know. Lorraine Bacall est née Betty Joan Persk. D'ailleurs, ses proches l'appelleront toujours Betty. Ses parents sont des juifs immigrés de Roumanie et de Pologne. Elle perd son père très jeune et sa mère la pousse à prendre des cours de danse, mais sa morphologie l'empêche de les poursuivre. Alors elle se tourne vers le théâtre, mais abandonne faute d'argent après un an de cours. Elle va débuter comme mannequin et ouvreuse. Et déjà, elle se fait remarquer parce que le magazine Esquire la nomme la plus jolie ouvreuse, la grande blonde, la mince, dans l'allée droite du St. James Theatre. Elle est embauchée comme figurante à Broadway. Elle tourne un peu, mais c'est lorsque la femme du réalisateur Howard Hawks la repère, posant à la une du magazine Harper's Bazaar, que son mari décide de lui signer un contrat sans trop savoir pour quel film. Il la fait venir à Hollywood et il raconte « Elle avait une petite voix nasale et haut perché, mais elle en voulait tellement que je ne pouvais pas la renvoyer chez elle à New York. » Alors, Howard Hawks commence par changer son prénom et son nom. Bacall, en fait, c'est celui de jeune fille, de sa mère, avec un « L » en plus à la fin. Et il l'a choisi pour tourner avec Humphrey Bogart dans Le Port de l'Angoisse. Avec ce rôle, cette allure qui fait penser à Marlène Dietrich, sa voix grave pour son âge, 19 ans, sa chevelure crantée, son regard en coin, Lorraine Bacall s'impose aux yeux même d'Humphrey Bogart, qu'il épouse l'année suivante. Ils tourneront de nouveau ensemble en 1946 dans un polar, Le Grand Sommeil, et là encore, Howard Hawks l'a fait chanter. Son numéro s'intitule « And Her Tears Flowed Like Wine ». His wife said, "Sweetie, what did you get for me?" He socked her in the choppers. Such a sweet, sweet guy was he. And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. She's a busted valentine. Knows her mama done told her that a man is darned unkind. I'm a telling you, mister. I'm telling you, mister. She was a sob, sob sister. Sob, sob sister. Lying on a pillow. Weeping like a willow. My, oh my, how that baby could cry. Her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. Oh, hello, boy. Oh, stop it. He's waiting to see you. Lorraine Bacall est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique. Alors, on l'appelait le look parce qu'elle avait ce regard en coin. Voilà, une façon de regarder, de vous regarder par en dessous. Et ce regard, Lorraine Bacall l'expliquait tout simplement par sa timidité envers Humphrey Bogart. « Je tremblais tellement devant lui, explique-t-elle, que je baissais la tête au maximum avant de lever les yeux. » Alors, on a vu que la voix de Lorraine Bacall était doublée dans ses chansons, dans Le Port de l'Angoisse, mais parfois, on entend peut-être sa voix pour de vrai. Par exemple, ici, aux côtés de Bing Crosby. Maybe it happens this way. Maybe we really belong together, but after all, how little we know. Maybe it's just for a day. Love is as changeable as the weather, and after all, how little we know. Un extrait du Port de l'Angoisse, Bing Crosby, on l'écoutera une prochaine fois. Alors voilà, Lorraine Bacall sera veuve, très jeune. À 32 ans, Humphrey Bogart, son mari de 20 ans plus âgé qu'elle, disparaît. Elle va encore tourner à Hollywood dans La Femme Modèle, mais elle décide de quitter Hollywood où elle se rend compte qu'elle n'a pas d'amis. Elle décide de retourner à New York et elle raconte « Je n'ai rien fait de bien après la mort de Boguet », c'est comme ça qu'elle appelait Bogart. Entre 1950 et 1966, ma carrière était vraiment dans l'égout. 1966, c'est son début sur les planches, à Broadway, dans Fleurs de cactus d'abord, l'adaptation de la pièce française, et oui, de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, actuellement à l'affiche à Paris avec Michel Faux et Catherine Fraud. À partir de cela, eh bien, Lorraine Bacall entame sa seconde carrière. Elle explique d'ailleurs, il était temps que je reprenne ma carrière parce qu'on ne me proposait que des séries télé, et puis au cinéma, j'avais l'impression de ne rien valoir. Alors on la voit donc d'abord dans des pièces traditionnelles, et puis ça sera la comédie musicale, comme à Challenge. D'ailleurs, elle écrit dans ses mémoires, Lorraine Bacall, « Vous savez, j'ai toujours aimé la musique, et un de mes regrets, c'est de ne pas savoir chanter. Alors, bon, j'ai toujours pris des risques dans ma carrière, mais là, je me demandais si celui-ci ne dépassait pas la normalité. On va lui proposer, pour sa toute première comédie musicale à Broadway, un rôle en or. Elle qui a grandi en admirant Bette Davis, autre femme fatale à la voix grave, on lui offre le rôle de Margot Channing, créé par Bette Davis dans l'adaptation en comédie musicale de All About Eve, le film de Joseph Mankiewicz. C'est l'histoire d'une vedette de théâtre qui se voit supplantée par sa secrétaire. Voici le moment où Margot, Lauren Bacall, découvre cette secrétaire et l'embauche. Which one does Bill want to marry? Margot today? Margot on stage? Or that one? 19-year-old Margot Channing on the Late Late Show. Who's that girl with a permanent wave and the dress below her knees? That doll with the open-toed pumps. Would you kindly tell me, please? Look at her, Miss 1946. Teenage Margot, queen of the 40s flicks. Mallarooney, who's that girl with the Maybelline eyes, acting like she knew the score? Ixnay, Dradio, I never saw that girl before. Who's that girl with the permanent grin and the stockings with the seams? Did that kid with the caps on her teeth launch a million GI's dreams? Where is she, that girl of yesterday? With her falsies leading Lou Ayres astray. Boogie woogie baby, who's that girl with the chic shoulder pads? Could it be that long ago? No siree, bop, foo, riaki, saki, she isn't anyone I know. Watch her dance, you can tell that she's hep, 'cause she digs that jump and jive. Wind her up and she really can't act. You would swear that she's alive. How she smokes those brand new filter tips. Watch her pucker those red hot tangy lips. Hey, bobbery-bop, who's that girl in the platform heels? Who could that tomato be? That snazzy chick, fly die, fly die. Trucking on down Tuxedo Junction in the pinstripe suit and the upswept hair. Boogie woogie bugle boy from Company B. Knock, knock. Who's there? Me. Hubba hubba. La comédie musicale, c'est donc une nouvelle discipline pour Lauren Bacall. Alors, elle explique dans ses mémoires comment elle prend le taureau par les cornes. Elle écrit « Je décidais d'aller dans une bonne salle de culture physique jusqu'à environ 2 mois avant le début des répétitions. Selon mes amis, si je réussissais sur scène, ça serait à coup d'endurance. » Et puis, elle se fait aussi expliquer par la comédienne Angela Lansbury comment elle se prépare. Angela m'a expliqué tous les impératifs de la comédie musicale. Un véritable esclavage. Il n'y aurait plus de place dans ma vie pour rien d'autre. Je travaillais ma voix aussi, 3 fois par semaine, et la musique de la pièce avec notre chef d'orchestre. Ça a duré depuis quelques semaines. Le compositeur, Charles Struth, est venu m'entendre. Il m'a paru extrêmement sérieux. Et à la fin des chansons, il a dit que telle note était fausse. Excellent pour mon moral. Je me sentais stupide, dépassé. Alors je me suis rebiffé et je lui ai répondu « Si vous vouliez Barbra Streisand, fallait le lui demander. » You are one of a kind, a fabulous bird. You're out of your mind and way out of sight. You're one of a kind, unique is the word, and that's why I find the others all trite. I like the weird things that happen inside of your skull. Being with you may be hard on the nerves, but it's never dull. Oh no, never dull. You walk in a room and people all stare, 'cause baby you bloom, they'd have to be blind to not recognize the rarest of rare. Right under their eyes you're one of a kind. If there were 2 of you, or God forbid a few of you, too much is what it would be. But you're one of a kind. kind, one of a kind, one of a kind. And you're the kind of a woman for me. Who else would take a swim completely dressed in Central Park at 3 a.m. the night she won the Tony? I didn't do that. Yes, you did. Who grabbed a Flaming Cherries Jubilee and burned a movie script at Chasen's yelling it was phony? Was that me? You always were a crazy kid. I shudder at the things you did. Your ego seems to suit my id. So kiss me! You mad fool! You know you grind your teeth at night. Your snoring is a real delight. It's noisy, but we sleep all right. You are one of a kind, a fabulous bird. You're out of your mind and way out of sight. You're one of a kind, unique is the word. And that's why I find the others all trite. At times you're selfish and stubborn and blind as a mole. But even so, you're a kick to be with. You're good for my soul, so good for my soul. You walk in a room and people all stare, cause baby, you bloom and have to be blind to not recognize the rarest of rare. Right under their eyes, you're one of a kind. If there were two of you, oh, God forbid, a few of you, too much is what it would be. But you're one of a kind, one of a kind, one of a kind, one of a kind. And you're the kind of a nut for me. Une bleuette dans la comédie musicale Applause, d'après le film de Joseph Mankiewicz, All About Eve. Une bleuette entre le personnage de Lorraine Bacall et celui incarné par Len Cariou. Applause sera un quasi-sacerdoce pour Lorraine Bacall, qui se plaît à plonger entièrement dans cette nouvelle discipline qu'est la comédie musicale. Alors, voici encore un extrait de ses très intéressantes mémoires. Je me mis à la danse, alors c'était entièrement nouveau pour moi, développer certains muscles qui n'avaient jamais été utilisés. Entraîner son corps à l'endurance, au mouvement. Jérôme Robbins m'avait dit « Tâchez d'éviter le bruit, la foule, conservez votre énergie pour le spectacle. Oh, trouvez-vous un type sympathique et puis habituez-vous aux soirées tranquilles, à deux. » When you got good friends, you got a good life, think about that. When you got good friends. Well, if you're getting sentimental. You got it all. Hold on, you're getting to me. For when life is cruel and they call you fool, you're not alone if you got good friends on whom you can call good friends who couldn't care less if you're a failure or a success. They're there, whatever you do. They like you for you, not your money or your gorgeousness. Friendship is a ring, a circular thing. It never ends. So kick off your shoes. You're with good friends. You're with good friends. Life is full of frets, remorse and regrets, doors that are locked. When you've got good friends, you've got the key. As you go through life, there's three things you need. Money is one. Number two is sex. All the way. You know, number three, good friends who really don't care if you're a swinger. Oh, you're square. I know that you too, you never could do one mean thing to me. Oh, I wish I'd never drained that tank. Friendship is a ring, a circular thing. It never ends, and we've got it good. We got good friends. Without you, life is empty. Empty? Hey, baby, you're a gas. Jax. Gas tanks. It's just like New Year's Eve. Eve. Eve gas, empty tanks. What have I done to my... Oh. Good friends. Good God. À Applause est un succès. Lauren Bacall joue le spectacle durant 2 ans à New York. Elle part en tournée. Elle reprendra le rôle à Londres et à la télévision. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez le voir, ce téléfilm Applause, très daté années 70, mais aux chansons très péchues de Charles Strauss. Et puis, 8 ans plus tard, rebelote. Cette fois, c'est une comédie musicale écrite par les auteurs de Cabaret et de Chicago, ou de la chanson New York, New York, John Kander et Fred Ebb. Et alors là, l'ironie, c'est que Lauren Bacall incarne un personnage créé au cinéma par son double, Catherine Hepburn. C'était dans La Femme de l'année, le film de 1942. Elle interprète une sorte de présentatrice de télématin qui tombe amoureuse d'un collègue, se marie avec lui. Mais alors, elle connaît un tel succès que, jaloux, il la quitte. L'un des moments les plus drôles de Woman of the Year, cette comédie musicale, c'était un duo entre l'ex-femme, Lauren Bacall, et la nouvelle petite amie du jeune homme. Ça s'intitule en français « L'herbe est toujours plus verte ailleurs », un duo entre Lauren Bacall et Marilyn Cooper. What can I tell you? You're Tess Harding, for God's sakes. I've never done anything really important in my life the way you have. What's so wonderful? You can make a pot roast. That's wonderful. What's so wonderful? First you brown an onion. Is your picture up at Sardi's? That's wonderful. What's so wonderful? You can clean an oven. That's wonderful. What's so wonderful? First you get the easy off. First you take a Valium. I can see you planning picnics. That's wonderful. What's so wonderful? Eating at the White House. That's wonderful. What's so wonderful? First they pass the jelly beans. Ah, the grass is always greener on somebody else's front lawn. Household. That's wonderful. What's so wonderful? First you have a breakdown. You're always in the magazines. That's wonderful. What's so wonderful? You can hold a husband. That's wonderful. What's so wonderful? There's more to life than husbands. I could use a husband. You can have my husband. I've already had your husband. Oh, he makes you kind of teary. Oh, he thinks about it, dearie. The grass is always greener in someone else's yard. It's hard. You have time for luncheons. That's wonderful. What's so wonderful? First you sell the Tupperware. The public wants your autograph. That's wonderful. What's so wonderful? You raised a teenage daughter. That's wonderful. What's so wonderful? First you find her diaphragm. Some of the tenant pays rent. your neighbors are? That's wonderful. What's so wonderful? You know Rona Garrett. That's wonderful. What's so wonderful? First you keep your mouth shut, let you squeeze the Charmin. That's wonderful. What's so wonderful? You can make a headline. That's wonderful. What's so wonderful? I'd rather make a pot roast. So go and brown an onion. And have some peace and quiet. You've already had my husband. Oh, everyone's a victim. Vous l'entendez même dans cet extrait, Lorraine Bacall, c'était une femme entière et elle était très amie avec Leonard Bernstein. Figurez-vous qu'ils habitaient tous les deux le même fameux immeuble Dakota de Manhattan avec vue sur Central Park. En 1957, après la première de West Side Story, elle lui avait écrit à Bernstein « Votre spectacle vaut tous les antidépresseurs. C'est de la dynamite, c'est un succès et je suis si contente pour vous. Vœux et baisers, Betty. » En 1988, pour la soirée de gala anniversaire des 70 ans de Leonard Bernstein à Tanglewood, Lorraine Bacall monte sur scène. Et elle interprète une parodie de la saga de Jenny, la chanson de Kurt Weill dans sa comédie musicale Lady in the Dark. C'est Stephen Sondheim qui a réécrit les paroles. Ça ne s'appelle plus la saga de Jenny, mais la saga de Lenny. Je vous traduis le début. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Lenny, qui avait tellement de dons, de talents, de possibilités qu'il aimait tant, qu'il n'arrivait jamais à se décider. Lorraine Bacall. There once was a boy named Lenny, whose talents were varied and many, so many that he was inclined never to make up his mind. In fact, he was so gifted, he seldom felt uplifted. Just undefined. Poor Lenny, 10 gifts too many, the curse of being versatile. To show how bad the curse is, we'll need a lot of verses and take a little vial. Lenny made his mind up when he was 3. He'd write a show, a ballet, and a symphony. But once the winds were tootled and the first strings plucked, he decided it was terrible, he'd have to conduct. Poor Lenny, time and again he complained, "I'm in this dreadful bind. I feel for Leonardo. God, genius is so hard. Oh, you cannot make up your mind." Lenny made his mind up when he was 9. He'd be not only Bernstein, he'd be Rubenstein. But just Rubenstein, he grumbled, "That's like calling it quits when there's Hammerstein and Wittgenstein and Gertrude and Blitz." Poor Lenny knew there and then he might easily get oversteined. From Ein to Epp to Julie to Liechtenstein. Oh, truly, he could not make up his mind. Lenny made his mind up at 22 to do whatever Pinzer or Astaire could do. Though his voice was truly bass, he had the charm of a kid. And if the dance floor didn't suit him, the podium did. Poor Lenny, wondering when he could could show off all his gifts combined. Began a TV feature. It's best to be a teacher when you can't make up your mind. Lenny made his mind up at 28 that marriage and a family would be just great. But he had no time for weddings till the great day came. He was free between a tennis and an anagrams game. Poor Lenny, worse though, poor Jenny, who muttered all those years, resigned. I don't care if he picks a schlamozzle or a schickser, he should please make up his mind. Lenny made his mind up at 46 that maybe atonality and rock would mix. Though it certainly was cereal with rhythm on top, it had lots of snap and crackle, but not enough pop. Poor Lenny, pacing his Jenny, was worried he'd be left behind. He mumbled, how ironic, atonal is a tonic when you can't make up your mind. So is minimalism. Lenny made his mind up at 7-0 to be a modern Renaissance-like man, you know. And there's virtually nothing that he hasn't done. So get ready for his club act at 71. Poet, bondeseer, politician, skier, still at sea at 70. Decked with every laural, Lenny, here's the moral. Do whatever pleases you and when. Follow all your talents, don't attempt to balance. Shower us with every kind. Share your every vision, stick with indecision. Don't make up, you shouldn't make up, you mustn't make up, don't ever make up. Live another score, write another score, and don't make up your mind. Et sur la page de 42e rue, vous retrouverez les livres qui m'ont aidé à préparer cette émission et puis les références des disques diffusés ce matin. Dans l'actualité, beaucoup de comédies musicales pour enfants. Durant les vacances, il y a à Paris la reprise de La Petite Fille aux Allumettes, d'après le conte d'Andersen, une tendre comédie musicale aux chansons de Julien Salvia qui sonne comme dans les dessins animés Disney, avec Alexandre Fetrouni au Théâtre du Gymnase. Et puis une nouveauté réussie. Le voyage extraordinaire de Jules Verne, c'est à Mogador une bonne idée de faire vivre en comédie musicale les héros de Jules Verne, trois enfants dont le petit Jules Verne, des marionnettes grandeur nature manipulées à vue par des comédiens, rencontrent des personnages comme Michel Strogoff, le capitaine Nemo ou Phileas Fogg. Le scénario parfois anachronique est cocasse, l'histoire est pleine de rebondissements et on rencontre même des princesses dont La Belle au bois dormant, un spectacle écrit par l'adaptateur de Cats, Nicolas Nebot, et des chansons composées par Dominique Mattei. Voici le moment au début du spectacle où les enfants doivent aller se coucher. Tout le monde au lit ! Extinction des feux ! Avant l'heure, c'est jamais l'heure, il est pas tard. On met le bazar de tout notre cœur. Que passe le marchand de sable, on l'attend avec nos belles et nos râteaux. S'il n'a rien d'autre à faire qu'il vienne perdre son temps, sous nos draps, on fera des châteaux. Non plus. La maîtresse. Bon, ok, on joue aux cow-boys et aux Indiens. Voilà. Avant l'heure, c'est jamais l'heure. Le voyage extraordinaire de Jules Verne, c'est le samedi et le dimanche à 11h. Et puis durant les vacances du mardi au vendredi à 14h30 au théâtre Mogador. Plus d'informations sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous pouvez également nous podcaster, nous réécouter en ligne et puis nous suivre sur Facebook et Twitter. Bravo, à 5 gagnants qui vont recevoir cette semaine le Blu-ray de Showboat, la production de l'opéra de San Francisco, édité à Euroart. Nous avons fait le tirage au sort et ceux qui vont recevoir le DVD sont Denis Bruckler à Argenteuil, Stanislas Arczynski à Prilly en Suisse, Guillaume Perrault qui nous a pas dit où il habitait, mais bon, quelque part en France, en tout cas il y a le nom de la rue, Philippe Miglioli qui habite dans l'Orne et Jean-Luc Renaud à Plurien, c'est dans les Côtes d'Armor. Merci pour vos mails. Notez aussi que le prochain cabaret, 42e rue, eh bien aura lieu exceptionnellement. Ça sera enregistré vendredi 19 novembre à 19h. Nous recevrons l'unique star française de Broadway. Elle fut tête d'affiche à Broadway dans Grand Hôtel et dans Nine. Elle a dansé au cinéma avec Fred Astaire. Elle fut Miss Tinguette dans le spectacle de Jérôme Savary sur la vie de la chanteuse. Elle s'appelle Liliane Montevecchi. C'est vendredi 19 novembre à 19h à la Maison de la Radio. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée par Martine Moni, avec ce matin autour de moi José Bernays, Ben Kachmarek et à la réalisation Fabien Flora. On se retrouve la semaine prochaine à New York avec un grand compositeur que j'ai rencontré là-bas. Rideau !